J'ai pas toujours fait les bons choix, pas toujours fait les bonnes choses. Y'a tant de choses que je regrette comme être fait berner par la tisse. 10-5 d'ici les signes, j'avance indécis, incertain. Mais sûr de mes récits, quand je dis qu'un certain mal, c'est un dessin se dessine. J'ai schématisé la rime pour pas que tu la déscénarises. Comme un chien loup pour l'homme quand le chétan le métamorphose. Vivre ses nuits au jour le jour, cause à effet des scènes à risque. J'ai entaché ma raison d'être, j'm'arrête avant que la mort cause. Le malin rit, ruse, s'amuse à taper la pose. Faut pas minimiser la chose, c'est le désaccord final qu'il vise. Il te veut dans ses rangs errants et ne les dents serrées. Son vœu à lui serait d'être ton gérant car son rêve c'est te lacérer. On se perd, s'éparpille, conneries par milliers. Devant le très haut, je me sens si bas. J'ai mal triste réalité, j'ai peur, je n'attends pas. J'aspire à puiser en moi le meilleur. Y'a pas d'hasard d'ailleurs, tant pis si toi et moi on s'entend pas. Une fraction de seconde à l'échelle de l'humanité. Regarde des funambules danser sous la verse. Te sens pas mauvais, positif et le bonheur sera ton invité. J'ai rendez-vous sur la lune, allons la terre. Nos vies une fraction de seconde à l'échelle de l'humanité. Regarde des funambules danser sous la verse. Te sens pas mauvais, positif et le bonheur sera ton invité. J'ai rendez-vous sur la lune, allons la terre. On m'a dit continue d'écrire. Franchement frère, ouais ça donne pas mal. Je retranscris ma déprime, dans le fond ça reste une histoire banale. Le rap une pilule, ils savent parler que de Paname. Des magouilles et des crimes, vu que l'industrie a mis une banane. Aux auditeurs tu peux rien faire face aux dicteurs de règles. Aux moniteurs de règles, créateurs de monnaie, facteurs de raid. Tu te sens pendu au fond du gouffre à une corde raide. Être libre n'est qu'un fantasme, depuis qu'ils domestiquent les tourterelles. T'as les finances et les idées bancales, ils cultivent ton impertinence. Et résignés finiront les grandes gueules, parce que l'élite sans état d'âme t'impose tous tes coups de cœur. Les vendeurs d'art, quoi, c'est pas contre eux qu'on fait la guerre. Laisse donc l'islam en paix, stigmatise pas tout à l'envers. Déviance énigmatique, capitaliste, fabricant d'âme en paix. Donc condamnons la peur, les valeurs de nos parents secs. 6000 blagues jaunes, blanc, beurre, face à la mort sur la même balancette. Donc une fraction de seconde à l'échelle de l'humanité. Regarde des funambules danser sous la verse. Te sens pas mauvais, positif et le bonheur sera ton invité. J'ai rendez-vous sur la lune, allons la terre. Nos vies une fraction de seconde à l'échelle de l'humanité. Regarde des funambules danser sous la verse. Te sens pas mauvais, positif et le bonheur sera ton invité. J'ai rendez-vous sur la lune, allons la terre. La justice monde ne tient plus debout, puis qui nous baisse de plus en plus. Difficile de joindre d'être debout, même si c'est faire le funambule. Pendant qu'ils vivent dans l'opulence, tiennent des rapports ambigus. Les cons qui tirent sur l'ambulance sont contents de manger la pilule. Okay. Le combat continue, la guerre sur tous les continents. Les mêmes qui chient sur vos prophètes vous souhaitent un bon dimanche. À tout beau monde qui se complimente et se méprendre. Y'a ceux qui chutent et ceux qui montent, quel monde étrange. On a dit chute, laisse l'amour se répandre, même s'il peut répondre. La peur étouffe les cœurs des hommes, des regrets sur les tombes. Je prends les choses comme elles viennent, comme elles sont. Je m'éveille plus, j'ai bonne connexion. On dort avec de la beuh, coulée sous les ondes. Les poussées dans la porte, mais qu'est-ce que tous ces gens attendent. Pas de chocolat, pas de Père Noël comme Michel Talgordier. Impossible d'être polymère, nanofibre de polymère. Tes mots évanescents comme Michael Jackson. Une fraction de seconde à l'échelle de l'humanité. Regarde des funambules danser sous la verse. Te sens pas mauvais, positif et le bonheur sera ton invité. J'ai rendez-vous sur la lune, allons la terre. Nos vies une fraction de seconde à l'échelle de l'humanité. Regarde des funambules danser sous la verse. Te sens pas mauvais, positif et le bonheur sera ton invité. J'ai rendez-vous sur la lune, allons la terre.